Amis du rock, bonjour, bienvenue en ce lundi 20 mars sur les ondes d'RQC pour vivre durant 3 heures le 20e épisode de votre émission préférée Living in the Past. Jean-Marie en votre compagnie jusqu'au midi. Alors j'ai tenu à démarrer cette émission avec Chuck Berry, un des pères fondateurs du rock'n'roll, dont nous avons malheureusement appris le décès ce week-end à l'âge de 90 ans. Et ensuite avec Eric Clapton dans Tears in Heaven, qu'il a composé en hommage à son fils qui s'est tué un 20 mars en tombant du 53e étage d'un immeuble de New York. Alors chaque année, on peut imaginer que le 20 mars est pour Eric Clapton un jour particulièrement douloureux. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne s'en est jamais véritablement remis. Voilà, ceci étant dit, comme c'est devenu une tradition au cours de cette matinée, nous allons revisiter à notre manière des classiques du rock et de la pop. Et au menu aujourd'hui, une programmation musicale toujours aussi variée qui, je l'espère, vous ravira. Au détour des différentes rubriques, nous célébrerons le 50e anniversaire de la sortie de l'album The Doors. Pour notre séquence Le Rock Made in France, nous nous poserons cette question pertinente. La ravissante Vanessa Paradis est-elle véritablement rock'n'roll ? Je vous présenterai aussi, si nous avons le temps, un dessinateur de BD, peintre et illustrateur belgo-français, fan de rock et de cinéma, dont les œuvres n'ont jamais cessé de faire scandale et qui, grâce à cela, grâce à ses multiples provocations, s'est fait un nom dans le domaine du rock. Il y aura bien sûr notre traditionnelle séquence anniversaire. Mais avant cela, nous allons dire tout haut ce que vous êtes probablement nombreux à penser tout bas. On en a marre de cet hiver qui paraît interminable, ras-le-bol de ces pluies incessantes et de la fraîcheur. Aujourd'hui, c'est officiellement le jour de l'arrivée du printemps. Alors, pour se réchauffer le cœur et nous regonfler le moral, on va, pour commencer, s'écouter quelques chansons estivales. Alors, si vous n'en pouvez plus de ces journées trop courtes, si vous rêvez de soleil et de lumière, si vous avez le teint gris et le moral dans les chaussettes, nous savons ce dont vous souffrez. À la fin des années 50 déjà, Eddie Cochran l'avait déjà identifié. On appelle ça le blues de l'été. Gonna raise a holler about a working on summer

Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chansons qui traitent de l'été ou de la nostalgie de l'été paraissent la plupart du temps entre les mois de mai et de septembre. C'était vrai aussi pour Summer Nights, l'énorme succès de l'été 1978, tiré de la BO du film Grease et interprété par John Travolta et la ravissante Olivia Newton-John. De l'été, c'est bien connu, il y a ceux qui ont la chance de partir en vacances et ceux qui sont obligés de rester en ville pour travailler. C'est probablement à eux que le groupe new-yorkais Loving Spoonful a dû penser quand il a composé Summer in the City, le titre qui deviendra très vite numéro 1 dans le monde entier au cours de l'été 1966. Les paroles disent à peu près ceci, il fait chaud, on est en sueur du matin jusqu'au soir, on a envie d'un peu d'ombre et on attend la nuit quand on ira draguer après une bonne douche. C'est cool, non ? Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night, it's a different world.

5 années plus tard, soit le 20 mars 1976, c'est Status Quo qui se retrouve en tête des classements anglais des albums avec Blue For You. Un deal avait été passé avec le célèbre fabricant de jeans Levi's pour que les 6000 magasins dans tout le pays fassent la promo de l'album. On aperçoit précisément sur la pochette de ce disque tous les membres du groupe sapés de costumes bleus en jean. Et oui, déjà à l'époque, tous les moyens étaient bons pour faire sa promo. C'était donc la plage titulaire de l'album Blue For You de Status Quo, sorti en 1976. C'est le 20 mars 2003 que les États-Unis ont commencé à bombarder l'Irak. Bruce Springsteen, à l'époque, avait débuté son concert à Melbourne par Born in the USA. Et bien des années plus tard, il dédicacera Land of Hope and Dreams, une terre d'espoir et de rêve, à tous les civils irakiens victimes de la guerre. Ce dernier titre figure sur l'album Wrecking Ball de 2012. Et pour commencer, Born in the USA, Bruce Springsteen. Just chase. Thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry. ce 20 mars 2017, nous ne voulons pas louper l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à divers artistes comme Jimmy Vaughan, né en 1951 à Dallas, au Texas. C'est ni plus ni moins que le grand frère du regretté Stevie Ray Vaughan. Il a débuté sa carrière à la fin des années 70 avec le groupe The Fabulous Thunderbirds avant de poursuivre sa route en solitaire. Bon anniversaire aussi à Slim Jim Phantom, le batteur des Stray Cats, le groupe de rockabilly bien célèbre, qui est né le 20 mars 1961. Alex Capranos, qui a vu le jour en mars 1972, il est le chanteur et guitariste du groupe de Glasgow, Franz Ferdinand. Et enfin, bon anniversaire aussi à Carl Palmer, né le 20 mars 1950, batteur talentueux. Il a rejoint en 1970 Greg Lake et Kate Emerson pour former le groupe ELP pour Emerson, Lake and Palmer. Mais tout de suite, Jimmy Vaughan, Dang Woman Blues. Et pour information, vous avez toujours la possibilité de nous faire un petit coucou via le téléphone au 056 34 07 83. Hey. got me all crazy. I can't get out of bed. Bones are aching. Bad thoughts in my head. Dingy woman, stay away from me. You got your aches and pains within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, yes I'm cold, but not as may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh, and I'm not cold, I am old, at least as you walk away.

myself lying in bed. I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You are meant to be here. Just can't recall. It doesn't matter at all. Comme indiqué dans le message que nous avons écouté, je suis impatient de recevoir vos appels pour la réservation de notre superbe repas du 2 avril, l'apéritif repas au Centre Expo ici à Moucron. Et nous venons d'écouter en rafale Jimmy Vaughan avec Dang Woman Blues, Franz Ferdinand et Walk Away, un titre de 2005. Un extrait de l'album éponyme des Stray Cats et enfin Emerson, Lake and Palmer et From the Beginning, extrait du célèbre album Trilogy sorti en 1972. Évoquons maintenant brièvement la carrière de Vera Lynn, une chanteuse britannique célèbre au XXe siècle en Grande-Bretagne. Elle aurait fêté ses 100 ans aujourd'hui. Alors, si je vous parle de cet artiste qui a joué un rôle considérable durant la Seconde Guerre mondiale en soutenant notamment le moral des troupes britanniques, c'est parce qu'en 1980, Pink Floyd lui rendait hommage le temps d'un titre sur l'opéra rock The Wall. Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day? ¶¶ Quant au rocker des années 50, Eddie Bunt, rassurez-vous, rien à voir avec James, et au bluesman américain Mel Brown, ils nous ont quittés tous les deux un 20 mars, le premier en 2013, le second en 2009. Au cours de sa carrière, Eddie Bunt a eu la chance de côtoyer Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison, Johnny Cash et encore Jerry Lee Lewis et j'en passe. Sa contribution au rock'n'roll lui a valu une reconnaissance au Rockabilly Hall of Fame. De lui, nous écouterons Flip Flop Mama, un single de 1956. Quant à Mel Brown, on se souvient peut-être principalement de lui pour le titre 18 Pounds of Unclean Shit Lungs et un solo de guitare d'environ 11 minutes. Malheureusement, je ne possède pas cet enregistrement à la place. Voici Chicken Feet, la plage titulaire de l'album de 1967. Mel Brown, Chicken Feet. We'll be right back. I got a new pair of shoes, new on my gal. Saturday night, my night to howl. Rock all night, gonna roll all day. Tell them cats to get out of our way. We're gonna rock with a flip, roll with a flop. We're gonna rock and roll, never stop. Telling you, baby, Lord, rock with you. Cause you're flip-flopping mama with a hole in your shoe. For the jukebox, and that ain't all. I got a bottle of brandy, gonna have a ball. Rock this town, rock it right. Gonna rock and roll till broad daylight. We're gonna rock with a flip, roll with a flop. We're gonna rock and roll, never stop. I'm telling you, baby, Lord, to rock with you. Cause you're a flip-flopping mama with a hole in your shoe. Shoes, you're my gal. Saturday night, my night to howl. Rock all night, roll all day. Tell them cats to get out of our way. We're gonna rock with a flip, roll with a flop. We're gonna rock and roll, never stop. Telling you, baby, Lord, to rock with you. Cause you're a flip-flopping mama with a hole in your shoe. Et ces titres de Mel Brown et Eddie Bond clôturaient notre séquence anniversaire particulièrement fournie aujourd'hui. C'est toujours Jean-Marie en votre compagnie jusque midi avec l'émission Living in the Past. Surtout ne changez rien, la bonne musique c'est pour tout de suite, juste après ce message de notre sympathique station. On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la cellule environnement de la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, cause my love's in their hiding. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song to you. Well, there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song for you. We were alone and I was singing this song for you. We were alone and I was singing my song. Singing this song for you. Toute grande composition d'un tout grand musicien et compositeur, c'était Monsieur Leon Russell avec A Song For You, ce matin dans notre émission Living in the Past. Ce titre sortait en 1970 sur son tout premier album éponyme et on se souviendra de Leon Russell pour sa collaboration éphémère mais non moins... utile et très prolifique avec Joe Cocker dans l'album Mad Dog and Englishman. Et on se souvient aussi qu'il a quand même contribué à relancer la carrière de Bob Dylan un peu en perte de vitesse dans le milieu des années 70. Passons maintenant à toute autre chose. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ce film culte sorti en 1978 intitulé FM. C'était l'histoire d'une résistance burlesque et hilarante de disc-jockeys qui appartenait à une station de radio de Los Angeles baptisée KSKW. Ils s'étaient barricadés dans leur studio car ils refusaient de modifier le format de leurs émissions suite aux pressions exercées par une direction véreuse qui désirait transformer son antenne en outil de recrutement pour le département de l'armée américaine. Sur le double album tiré du film, on trouvait des artistes comme Bob Seger, Steve Miller, Tom Petty, Joe Welch, Linda Ronstadt, que du beau monde donc. Mais c'est à Steely Dan que les promoteurs du film ont commandé la musique du générique, d'où le titre de ce morceau, FM No Static At All, Steely Dan. Bottle, mama, it's grapefruit. C'était donc Steely Dan, FM. Au milieu des années 70, le groupe canadien Hurt avec les sœurs Wilson finit de s'étoffer avec de nouvelles recrues pour atteindre sa composition définitive. Le band était constitué à la base de membres d'un ancien groupe originaire de Vancouver en Colombie-Britannique, dont les sœurs Wilson, et qui résonnait au doux nom de White Hurts. Ils ont fini par abandonner le White pour ne garder que Hurt, et en 1975, le groupe publiait un premier album intitulé Dreamboat Annie sous le label Mushroom Epic. Très vite, il va se vendre à plus de 30 000 exemplaires au Canada, et le manager de Mushroom, un certain Shelley Siegel, s'est dit pourquoi ne pas franchir la frontière et vendre l'album aux États-Unis. Et aux surprises, il y devint très vite disque de platine. Et bien voilà, plus de 40 ans plus tard, les mêmes sœurs Wilson sont de retour. Et fin 2016, ils nous ont offert un tout nouvel album au nom évocateur « Beautiful Broken ». Lors d'une précédente émission, je crois vous avoir proposé la plage titulaire, mais aujourd'hui, je vous invite à découvrir un autre magnifique extrait de cet album intitulé « Johnny Moon ». Johnny Moon, dreams in class, answers the questions before it's asked. You can see Johnny, but he's not here. Nobody saw Johnny disappear. Yeah. Tu sais, ta musique, tes sensations, ta génération. We'll be right back. Some river called Tati's gonna make it through the night. RQC 95FM. You can cut your heart. Living in the Past. Du rock made in France. Bienvenue, c'est Joe. Alors, mille excuses pour les petits blancs au cours des morceaux précédents. Et nous avons entamé notre séquence Le Rock Made in France. Et au cours de cette séquence, nous allons tenter d'apporter une réponse à une question pertinente. Cette ravissante Vanessa Paradis, dont nous venons d'écouter le tube de 1987, Joe le Taxi, est-elle une jeune fille rock'n'roll ? Tout le monde connaît sa fabuleuse histoire. En 1987, soit quelques années après sa première apparition sur un plateau de télévision, dans une émission pourtant pas du tout rock'n'roll, l'école des fans de Jacques Martin, Vanessa paradis devenait une star internationale avec ce tube Joe le Taxi. Elle n'avait alors que 14 ans. 3 ans plus tard, elle publiait l'album Variation sur le même thème, un album franchement rock avec des paroles de Serge Gainsbourg et un clip vidéo sulfureux à la clé réalisé par Jean-Baptiste Mondino sur ce titre Tandem. Et oui, on ne s'en doutait pas, d'autant qu'à l'époque, Vanessa, la petite Vanessa, sortait avec le chanteur de variété Florent Pagny. Mais Vanessa était déjà rock'n'roll dans l'âme. Jugez plutôt sur l'album où figure ce titre Tandem. Après les chansons signées Gainsbourg, elle nous offre une excellente reprise de Walk on the White Side de Lou Reed. Du haut de ses 17 ans, elle nous chante des histoires de travestis et de garçons qui se prostituent. Est-ce bien de son âge ? ?3 sur les antennes d'RQC. Across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a sheep. She said, "Hey babe, take a walk on the white side." Said, "Hey honey, take a walk on the white side." home she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given a hit. She said, hey babe, take a walk on the wise side. Said, hey babe, take a walk on the wise side. And the chord goes go doop de doop de doop doop de doop doop de doop de doop doop de doop doop. A place where they said, hey babe, take a walk on the wise side. Said, hey Joe, take a walk on the wise side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soft food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wise side. I said, hey, babe, take a walk on the wise side. All right. Ha. Jackie is just spinning away. Thought you was James Dean. For a day, then I guess she had to crash. Volume would have had that bash. She said, hey babe, take a walk on the wise side. Said, hey honey, take a walk on the wise side. And the car girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do. Cette petite a décidément un tempérament de feu. Au début des années 90, la petite Vanessa tombe en effet amoureuse du rocker américain Lenny Kravitz. Et cette belle histoire d'amour met en émoi toute la presse people, d'autant qu'entre-temps, la jeune fille est devenue l'égérie de la marque Chanel. Avec Lenny Kravitz, elle enregistre un bel album en anglais qui contient une autre reprise de Lou Reed, mais cette fois du temps de son groupe, le Velvet Underground. Il s'agit de Waiting for the Man, une histoire de dealer de drogue. Décidément, elle ose cette petite... I'm waiting for the man, Vanessa Paradis. Et au fil des ans, la chanteuse rock mène sa vie comme une guerrière entre contrats publicitaires juteux et disques charmants tout en continuant à faire rêver ses fans. Car en même temps, elle entame avec l'acteur américain Johnny Depp, cette fois une splendide histoire d'amour, une sorte de divine idylle. Chimère. Mais hélas, la belle idylle n'a pas duré et Vanessa vit désormais séparée de Johnny Depp. Mais malgré ce coup dur, elle a repris ses activités d'actrice, mais aussi de chanteuse. Alors même si son répertoire n'est pas exclusivement orienté vers le rock, à la question « Vanessa Paradis est-elle rock'n'roll ?», j'ai l'envie de répondre par l'affirmative, en me souvenant notamment de ce tube paru en 1992 du temps de Lenny Kravitz, qui lui avait écrit cette chanson « Be My Baby » dans un esprit 100% rock'n'roll des années 60. « Vanessa Paradis, Be My Baby. Voilà, Be My Baby, clôturer notre séquence Le Rock Made in France. Et maintenant, on repart dans les années 60 avec Jefferson Airplane and Volunteers. Good morning people, c'est par cette mémorable phrase que la chanteuse de Jefferson Airplane, Grace Leak, a débuté le concert de son groupe à Woodstock. Il était 8h45 du matin en ce 17 août 1969. Puis le montage de sa voix avec le morceau Volunteers, c'est en quelque sorte aussi un petit hommage à l'intro de l'émission mythique Morning People des FM Shape que j'écoutais

Living in the Past. L'album du jour. Et pour cela, replongeons-nous dans l'année, le mois de septembre 1966. Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger et John Densmore, soit les Doors au grand complet, entrent en studio en compagnie de leur producteur Paul Rothschild et de l'ingénieur du son Bruce Botnick. C'est comme ça que commence l'enregistrement de l'album éponyme The Doors, auquel sera consacrée notre rubrique. Il y a en effet 50 ans environ que ce disque sortait. Le studio en question, c'est le Sunset Sun de Los Angeles. Un choix naturel puisqu'il s'agit tout d'abord d'un endroit extrêmement bien équipé et aussi parce que la réputation de l'endroit promet un son live du plus bel effet. Si ce sont les Doors qui occupent l'endroit en soirée, en journée, ce sont les studios Disney qui enregistrent certaines bandes originales pour leurs dessins animés. Paul Rothschild s'impose comme le choix idéal pour la production de ce premier album. Il est intelligent, dispose d'une sensibilité aiguë pour le rock, le jazz, la poésie et il a un caractère suffisamment fort pour diriger le groupe et notamment pour gérer le personnage de Jim Morrison, plutôt extraverti et imprévisible. Pour le groupe, l'univers du studio est complètement neuf. Habitué aux nombreux concerts et à capter l'énergie du grand public, les autres musiciens se sentent au départ quelque peu désorientés dans cet environnement calme et très ordonné. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Si dans le cadre de ces concerts, le groupe se passe d'un bassiste, Ray Manzarek assurant les sections basses à la main gauche, ici en studio, ils se font accompagner par un musicien de session, Larry Nachtel, connu notamment pour son travail sur l'album de référence Pet Sounds des Beach Boys. Celui-ci rejoint donc l'équipe en studio et le groupe partage ici une véritable vision commune, le même objectif, réussir à reproduire l'aspect poétique, théâtral, spirituel des concerts sur un album. Le choix des titres est donc minutieusement établi et le producteur insiste notamment pour que les Doors proposent ici leur version d'Alabama Song de Kurt Vile et Bertolt Brecht. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my mind. I must have whiskey on the say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, oh, you know why. Yeah. Or show me the way to the next little girl. Et Jim Morrison est sur cet album particulièrement en voix. Il y a le Morrison Rager, plus rock'n'roll, que l'on peut retrouver sur Break on Throws, 28th Century Fox ou encore sur la reprise Backdoor Man de Dixon. Mais à certains moments, il apparaît le Morrison Crooner, tout en nuance et en sensibilité. Ce Morrison en mode crooner est présent notamment sur le superbe End of the Night, qui fait référence au Voyage au bout de la nuit, premier roman du célèbre écrivain français Céline. Autre source d'influence dans le texte, c'est celle de William Blake et de son poème Augure d'innocence. Les Doors, End of the Night. Take the highway to the end of the night. end of the night. Drink a Johnny to the bright midnight. End of the night. End of the night. Realms of bliss, realms of light. Summer born till sweet daylight. Summer born till sweet daylight. Summer born. Des grands classiques présents sur cet album est assurément Light My Fire, un titre signé essentiellement par le guitariste Robbie Krueger. Ce futur classique fait partie du répertoire du groupe depuis quelque temps déjà, mais en studio, il va évoluer notamment pour prendre une touche plus funky grâce aux suggestions du bassiste Larry Knechtle. John Densmore lui ajoutera à nouveau ici une section batterie avec des rythmes rock matinés de groove latino. Quant à Ray Manzarek et Robbie Krieger, ils s'inspireront dans leurs solos respectifs de riff jazzy entendus dans des albums de John Coltrane. C'est cette grande diversité d'influences et d'inspiration qui mènera au résultat que l'on connaît tous. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Light My Fire. Et l'album se referme avec l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Jim Morrison, baptisé The Ant, titre osé par son titre oedipien, Father, I Want to Kill You, Mother, I Want to. Il le sera aussi par son format. Ce sera l'un des premiers titres de rock à dépasser les 10 minutes. The Ant deviendra l'un des hymnes du rock psychédélique et bénéficiera d'ailleurs d'une seconde jeunesse lorsque Francis Ford Coppola l'utilisera dans la bande originale de son film Apocalypse Now en 1979. Et pour nous, c'est déjà aussi bientôt la fin, midi moins le quart. Dans un quart d'heure, il faudra malheureusement déjà se quitter. Desperately, yeah. and all the children are insane. Older children are insane, waiting for the summer rain. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you take it up. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to.

avec un dernier petit bijou des Rolling Stones, cette fois extrait du superbe album de 1971, Sticky Fingers, voici Can't You Hear Me Knocking. Mais auparavant, je vous souhaite une bonne quinzaine, je vous invite à prendre bien soin de vous et de vos proches. Et d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous le 3 avril, le lundi 3 avril, entre 9h et midi, pour un nouveau rendez-vous de Living in the Past. Mais nous aurons peut-être préalablement la veille, soit le 2 avril, l'occasion de nous rencontrer lors de l'apéritif repas organisé par la station au centre Expo de Moucron. Et voici les Rolling Stones, Can You Hear Me Knocking?